Je veux pas voter, je vais pas voter, je donnerai pas ma voix, tout est dénigré. Je veux pas voter, je vais pas voter, je donnerai ma voix qu'à une dent d'entrée. Depuis longtemps, on est dedans, tout le monde nous ment et on est tous contents. L'homme est dément, la femme attend, je vais tout voter pour un homme programmé. Je veux pas voter. Je veux pas voter. Je veux pas voter. Non. Non.